Peter Pan, le conte des télomères. Dina, les filles, la plage, la mer. Ma guitare sèche en bandoulière. Les vilaines rêvent de grands airs. C'est un peu le conte des télomères. Le soleil, les rires d'une fausse ingénue. Superficiel et convenu. Ses paroles légères et sa peau nue. Entre ses lèvres, elle fredonne un petit air au moqueur. Et moi, tout quand je m'abandonne au battement de son cœur. Dans le bleu du vent passe le bonheur. C'est un peu une bouteille à la mer, éblouie par son regard solaire. Ma guitare joue ses plus beaux airs. Les accords s'envolent dans la lumière. C'est un peu le conte des télomères. Une dernière balade à Saint-Lunaire. Joli bateau vers l'Angleterre. Une dernière chanson pour toucher terre. Entre ses lèvres, elle murmure ces quelques mots d'adieu. Et moi tout court, je suis sûr que ce n'était pas qu'un jeu. Le reflet des vagues au fond de ses yeux.